seras la plus belle aurore dans la lumière du ciel gris. Tu seras loin du dernier port à lutter pour gagner ta vie. La vie se pêche au lancer, à la mouche, au leurre, à les pattes. Juste un bout d'âme déchiré en traînant un fil à la patte. La griffe est comme un coquillage. Ceux qui en veulent à ton profil, de vieux marsouins sur cette plage. La vie se pêche au grattoir, à la cuillère, au croque-au-pic, au rocher rouge du hasard, en pensant qu'il s'y frotte, s'y pique. À la gueule vent de travers comme un crabe avant la saison, cherchant à te mettre à couvert d'un trou noir comme une prison. La vie se pêche au casier, à la nasse, au filet flottant, avec de vraies lignes d'acier, avec de faux poissons volants. Jeté sur le quai, un beau soir de grande marée, les yeux vitreux, le ventre ouvert, queues et nageoires emmêlées. La vie se pêche en eau trouble, à coups de chalut, les reins brisés. Et tant pis si tu te dédoubles, tu n'as plus rien dans ton panier. Tire à ton guet sous d'autres cieux, piqueur de rouille et de misère. Tirez le diable par la queue, bien le bonsoir au vieux Saint-Pierre. La vie se pêche au filin, au lamparot et à la traîne. Et d'ici à la Saint-Glinglin, tu vas tirer mon capitaine.